Audiomatic. C'est sur la musique du projet Belarus Wreckfrag que s'ouvrait la transmission 153 d'Audiomatic. De son album Recovered Fragments, paru en 2016, nous écoutions la pièce Magnetic Spheres. Les électronistes, de retour derrière les micros de C'est fou pour vous présenter une heure dédiée à la musique électronique de tout ce qu'elle a de plus dans tout ce qu'elle a de plus varié et diversifié. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à aimer la page d'Audiomatic sur Facebook et ainsi être informé lorsque nous publions nos transmissions en balado-diffusion. La prochaine séquence musicale est lancée à l'instant par Tavius Beck. There's a script to pull you through. Be what you have to be as you appear on the scene. Do what you have to do. A script to pull you through. Audiomatique. Il s'agissait du groupe torontois Trust, qui était composé à l'origine de Robert Alphonse et de Maya Postepsky, aussi membres du groupe Astra. Ils ont fait paraître un premier album intitulé TRST, duquel est tirée la chanson Shoom, que l'on entendait à l'instant. Peu de temps après la parution du premier album de Trust en 2012, Maya Postepsky a quitté la formation pour se consacrer entièrement à Astra et également à son projet solo Princess Century. Robert Alphonse a poursuivi seul avec la parution d'un deuxième album en 2014 intitulé Joyland. Précédemment à Trust, on avait droit au groupe allemand Monocular et la chanson Scene One de leur deuxième album Pine Trees. Et en début de bloc, le musicien, rappeur et producteur américain Tavius Beck nous interprétait sa composition Joy, Bring It, de son album The Most Beautiful Ugly. Poursuivons sans attendre à Audiomatique avec le projet Maneuvers du compositeur Francisco de Pablo, accompagné de l'artiste Yarlene Ferreira pour la pièce Scribble Arts. Ladies and gentlemen, I give you rock up. Nous venons d'écouter la musique du projet Asura qui nous offrait sa composition Longing for Silence qu'on retrouve sur l'album 360 paru en 2010. Avant Asura, c'était la formation néo-zélandaise Phase 5 et sa pièce Verb Vendor qui paraît notamment sur la compilation A Different Drummer Selection mixée par le compositeur Richard Dorfmeister. Comme son nom l'indique, cette compilation présente une sélection de groupes dont les œuvres ont été publiées sur l'étiquette de disque Different Drummer. Quant à la pièce de Phase 5, vous pouvez également la retrouver sur l'unique album du groupe qui se nomme Space Bar. Et nous amorcions cette séquence de trois pièces avec la collaboration entre le projet Maneuvers et l'artiste Yarlene Ferreira. La pièce Scribble Arts paraît sur la compilation Discos Pegaus 5. Audiomatique peut maintenant se déployer à nouveau musicalement avec le projet canadien Germany, Germany. Don't know what I'm doing, but I'm better. has got me yearning. The way you move has left me burning. I know you know what you're doing to me. I know my hands will never be free. I know what it's like to be in chains. The way you move is meant to haunt me. The way you move to tempt and taunt me. I know somehow I should be warned. I know I walk every midnight to dawn in chains. You've got me dying for you. It's you that I'm living through. You've got me reaching for. Vous avez sans doute reconnu le groupe anglais Depeche Mode, qui était d'ailleurs en spectacle à Montréal le 5 septembre dernier, et de qui nous entendions la chanson « In Chains » remixée par Alan Walder, qui a fait partie de Depeche Mode de 1982 à 1995 et qui fait maintenant carrière solo sous le pseudonyme, entre autres, de Recoil. Tout juste avant, nous vous présentions le groupe américain Arcane Display et leur plus récent simple, soit la chanson « Life is a Mystery ». Le groupe s'articule autour de la chanteuse et guitariste Diana Tovar et du chanteur et claviériste Rudy Cerda. Ils ont récemment collaboré avec le guitariste, programmeur et arrangeur Christopher Elms, qui a travaillé entre autres avec Alanis Morissette, Alison Moyet, Kate Avnevik et Björk. Un album devrait paraître sous peu. Et pour ouvrir cette séquence, le projet canadien Germany, Germany, mené par Drew Harris et accompagné ici par la chanteuse Jessica Morgan, interprétait la chanson Signals de l'album Radio Wave 2. La transmission 153 d'Audiomatique se conclura sur la musique obscure du projet Minoxley. La pièce que nous allons entendre, soit Venus Flytrap, se trouve sur le dernier album de ce groupe allemand intitulé Terminus Claritatis, paru en 1994. Nous vous remercions d'avoir partagé avec nous cette heure de propositions d'écoute et de découverte musicale et nous vous donnons rendez-vous dès mercredi prochain, 17h, pour la transmission 154 d'Audiomatique sur les ondes du 89. FM. Si jamais vous êtes de ceux qui, pour qui un horaire est trop restrictif, vous pouvez vous tourner vers nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique CFOU où nos anciennes émissions sont disponibles à l'écoute en balado-diffusion. Voici donc Minoxley, la pièce Venus Flytrap. Bonne écoute et bonne semaine.